Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus en ce jour férié. Pas pour tout le monde, puisque tous les magasins sont ouverts, on les fait travailler. Donc, et merci à Benito d'être venu nous rendre visite au local du CIRA en cette journée. Donc Benito, alors je sais pas, on le prononce à la française ou à l'espagnol, parce que... Moi je suis contre les frontières. Alors, comme tu veux. Benito Peregrin en français ou Peregrin. Non, Pellegrin. Pellegrin, Pellegrin. Qui va nous présenter un livre qui est paru il y a maintenant un an aux éditions Sulliver. Alors je vais vous dire un mot sur les éditions Sulliver. C'est un éditeur assez exigeant qui publie aussi bien des textes littéraires que politiques, de la poésie, de la critique sociale, des essais, des chroniques, de la fiction. C'est un catalogue intéressant. Bon, là, on en a juste 3 exemplaires, mais ça vaut le coup d'aller voir leur catalogue sur Internet ou sur papier. Donc c'est une maison d'édition qui a été créée à Arles en 1995. En 2007, il y a eu une scission avec le fondateur. Et maintenant, la maison Sulliver, qui a gardé le nom, se trouve à Cabris, dans les Alpes-Maritimes. Et elle est animée par Lynn et André Bonmort, assistée par Isabelle Dubois. Alors parmi les noms de personnes qu'on connaît, qui ont été éditées par Sulliver, Noam Chomsky, Louis Janover, Ken Knab et Gustave Landauer, notamment. Pardon ? Ben oui, mais je ne sais pas si Alain Tison est aussi connu que les noms que je viens de citer, mais il y a beaucoup d'auteurs de littérature contemporaine. Donc Benito Pellegrin a été prof à l'université, mais il est aussi, tu es aussi écrivain, dramaturge, poète, musicologue. Spécialiste du baroque, du néo-baroque. Tu as donc publié ce livre l'année dernière, mais tu as aussi publié des livres sur l'âge baroque européen au niveau artistique, musical, et tu as traduit un auteur du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, Baltasar Gracian. Lecteur ici. Ouais. Donc tu as fait des critiques et la traduction de cet auteur paraît-il difficile, mais qui mérite d'être connu. Tu écris des chroniques dans des revues littéraires et puis dans les revues locales, la Marseillaise. Bon, il y a un dossier, tu as amené un dossier de presse qu'on pourra feuilleter, voir. Enfin, c'est surtout des critiques du bouquin dont on va parler. Il paraît que le débat était passé à la Marseillaise. Oui, le débat, donc la Marseillaise a annoncé. C'est rare. Le débat, c'est assez rare. Effectivement. Je vais l'acheter. Il faut l'acheter. Je sortais à peine maintenant quand je le disais. Ah non, mais c'est le journal qui a toujours suivi. Et le Provençal, où j'ai lu aussi pendant des années une chronique du gouvernement de Montréal, il n'en a pas parlé du livre. Ça vaut plus rien. Ouais. Ah, on est d'accord. Donc tu animes aussi un blog où tu avec des critiques de théâtre, d'opéra, de concert. Bon, je crois que si tu veux en rajouter, tu en rajouteras. Donc aujourd'hui, tu es venu pour nous parler de Marseille Carnor. Je crois que je vais arrêter de parler là et te laisser la parole. Là. Merci. Moi, je remercie le CIRA de m'avoir invité à ce lieu où il y a des archives de l'anarchie. Et je dois dire que c'est un peu ma préhistoire. C'est un peu ma préhistoire, parce que je suis d'une famille où mon père était anarchiste, non, c'était l'époque de la guerre civile et avant, et qui avait un personnage dont on m'a beaucoup parlé, puisque je n'ai pas eu la chance de le connaître longtemps, il est mort très vite, à 31 ans, et moi j'étais tout petit, à Barcelone, et il avait, mais là on me l'a confirmé, alors je peux le dire, sans faire une espèce de reconstruction hagiographique du passé, qui avait un charisme dans son quartier, un quartier ouvrier de Barcelone, c'était une vieille famille, Pellegrin, une vieille famille prolétarisée au 19e siècle, et qui avait émigré de Murcie à Barcelone au début du 20e siècle. Et mon père était quelqu'un d'extrêmement actif, d'extrêmement inventif. La meilleure preuve, c'est que j'ai oublié de dire qu'il était l'aîné d'une famille où il y avait 5 frères et 2 sœurs, grande famille. Mais il était l'aîné, et c'est très important, en Espagne l'aîné, il s'appelle Benito, et moi je m'appelle Benito, puisque depuis le 15e siècle, l'aîné s'appelle Benito. Et évidemment, il a été à Barcelone, et les grandes années de l'anarchie, et de tout ce qu'on oublie lorsqu'on parle d'anarchie, notamment en France, qu'on oublie, tout le travail culturel, tout le travail éducatif que faisaient les anarchistes, notamment à Barcelone, il faut bien le reconnaître. Donc, ce qui n'est pas rien. Donc, il a cette formation dans une ville, Barcelone, qui est quand même assez exceptionnelle, hein, quel que soit maintenant cette espèce de nationalisme qui ferme les esprits, que je retrouve profondément, même si je suis né là-bas. Tout en travaillant, il avait fondé un petit atelier qui est quand même devenu quand même assez important, de chromage et nickelage. C'est-à-dire qu'il avait inventé des formules chimiques pour faire du chrome, pour chromer des instruments de chirurgie, des carrosseries de voitures. Il est arrivé à travailler pour Hispano Suisse, les grosses voitures, vous voyez, avec les calandres extraordinaires de cette époque-là. De ben d'or, ben d'argent, de platine pour les instruments de chirurgie, il faisait des bijoux, il était très inventif, et poète. Et avec ses frères, ils avaient formé même un petit groupe musical. C'était quelqu'un qui était très, très, très apprécié. Quand je suis retourné très tard à Barcelone, je suis allé sur les lieux et tout le monde parlait encore de Benito. Et même des vieilles personnes qui perdaient la mémoire, qui croyaient qu'il était toujours vivant. Et je vous dis, je ne suis pas retourné très vite en Espagne pour les raisons que vous comprendrez ou que vous devinez déjà. Et il avait créé cet atelier dans le quartier où il faisait travailler ses 2 frères qui étaient en état de travailler et des gens du quartier. Non, il avait une espèce d'aura qui s'est conservée. Et il a épousé ma mère, c'était un amour d'enfance. Ma mère était née à Oran, une espagnole. Et bon, au hasard de la guerre 14-18, il est venu à Marseille, il a été coupé de l'Espagne, après il est retourné en Espagne, mon père l'a connu, et c'était lui, il a toujours été perdument amoureux de ma mère, ils sont mariés, et voilà, il vivait dans ce lieu qui était quand même dans ce quartier de Sans Las Corts, où il y avait le vieux parlement catalan, près de la Diagonale. Je dis Diagonale parce que je ne l'ai connu longtemps que avenue qui traverse Barcelone en diagonale et que appelée Avenida del Generalissimo Franco. Vous imaginez si ça nous faisait frémir. Hein. C'est pas juste une blague. Hein. Et évidemment, quand il y a eu la guerre, la République, avec les années noires de la République, il était très engagé politiquement. Il travaillait dans une imprimerie, puis après une imprimerie clandestine. Et il s'est engagé, évidemment, pour défendre la République avec ses 2 frères qui pouvaient porter les armes. Et mon dernier oncle, le seul vivant, José, qui est très, très âgé, lui a 16 ans, engagé aussi, s'est engagé dès qu'il a pu porter des armes. Et mon grand-père, qui était vieux, lui, il allait faire des tranchées. Le dernier survivant a traversé l'Ebre à la nage sous la dernière grande bataille, qui ouvrait malheureusement les portes de Barcelone aux armées fascistes, sous les balles. Ennemi. Voilà. Et à la fin de la guerre, démobilisation forcée, mon père n'a pas voulu partir. Hein, on m'a toujours raconté qu'on lui a dit, mais enfin, pourquoi no te vas Benito? La guerre la termine, perdue, está perdida. Pourquoi ne t'en vas-tu pas? La guerre est finie, est perdue. Et il avait dit justement pour ça. Alors, il est resté sur place. Et comme c'est quelqu'un. Alors là, je dois dire que, n'étant pas évidemment belliciste, c'est contre mon tempérament, contre tout ce en quoi je crois, je ne suis pas malheureusement, parce que les choses le prouvent, je ne suis pas un pacifiste. Parce que mon père avait des tendances plutôt, rappelez-vous 36, rappelez-vous en France aussi 36, rappelez-vous tous les mouvements pacifistes qu'il y avait. Donc il y a même qui ont démobilisé, on a vu après ce qui s'est passé, surtout en Espagne qui a été abandonné. Alors il répugnait, il était obligé quand même de porter des armes, mais il répugnait à ça. Bon, il était connu pour ça. Et c'est pas comme ça qu'on gagne les guerres, malheureusement. Il faut déplorer quand il faut se battre. il y avait beaucoup de gens qui étaient de cette tendance, anarcho, mais il était du, la scène était faille, du coup, mais il était plutôt pacifiste. Alors voilà. Donc ce qui fait que quand la guerre s'est terminée, il était connu pour ça. Il a fait de la prison, un peu de prison, parce que il avait des livres français, parce que ma mère étant française, parlant français, par amour pour ma mère, il lisait du français, dont La Terre de Zola, qui était un livre interdit. Ça donne la mesure de, quand même, de ce que c'était le franquisme, ce qu'on oublie facilement, malheureusement. Et sans doute aussi parce qu'il avait cet atelier où il faisait travailler des gens et que l'Espagne était complètement ruinée. Barcelone bombardée par Mussolini, par les armées de l'aviation de Mussolini depuis Majorque, ce sont les premiers bombardements systématiques de civils. C'était Barcelone, la première fois. Et il a repris son atelier, son taillet, où il employait des gens. Dans quelles conditions, il a tout abandonné, il est reparti à zéro, il travaillait, je ne sais pas, énormément, et il est mort dans son lit en dormant. Ma mère était enceinte de ma jeune sœur, qui n'a pas connu notre père, il y avait ma sœur aînée, moi j'étais le fils, puisque c'est l'importance du fils en Espagne, vous pouvez concevoir ceux qui sont hispanistes, ils savent ce que c'est, bénite en plus, et... très vite, on a perdu, il est mort comme ça, on dit même que je ne suis pour rien sans doute, mais il va aller savoir symboliquement, j'étais entre ma mère enceinte et mon père dans le lit. Peut-être, dit Freud aurait dit que c'était le dit radical, j'ai tué mon père sans attendre beaucoup, sans plaisantant, mais allez savoir. Et ma mère s'est trouvée à 28 ans, veuve avec deux enfants et une qui est née après prématurée, avec l'éducation des femmes espagnoles, sans aucun recours, sans aucun secours, sans aucun dit titre lui permettant de faire quoi que ce soit, puisque les femmes, on ne les éduquait pas, même si ma mère était française. Et très vite, tout est allé à volo dans cet atelier, tout ça. Pratiquement, ça a été une espèce de chantage en donnant une petite somme d'argent à ma mère, contre quelque chose qui valait beaucoup, puisque ça appartenait à mon père. Le nom, jusqu'aux années 60, le téléphone était toujours au nom du Benito Pellegrini. Et le terrain lui appartenait aussi, en plein cœur de Barcelone. Et on l'a donné, on a été, disons, expolié, je crois que le terme n'est pas de trop, par un officier franquiste. Vous voyez le paradoxe, c'est sûr. Et nous sommes restés pratiquement sans rien. Nous sommes sans rien, alors de deux maisons, ma petite sœur était née, nous sommes restés absolument dépouillés. Puis ma mère, disons qu'elle dilapidait l'argent, elle prêtait, il y avait beaucoup de misère à tout le monde, prêtait comme ça, on ne le rendait pas, enfin bref, ça me restait sans rien. Et ma mère refusait que ma sœur aînée et moi-même, ma petite sœur toute petite, allions à l'école. Puisqu'à l'école, en tant que fils de rouge, il fallait être rééduqué, vous le savez bien, quand on n'était pas, disons, adopté, comme maintenant on découvre qu'il y a au moins 12 000 enfants qui ont été arrachés à leur mère pour les rééduquer de façon correcte. Correcte, voilà. Alors, ma mère, qui avait quand même son caractère, nous a refusé qu'on aille à l'école. Donc nous étions pratiquement très vite des clandestins à sa maison. Alors elle travaillait chez les anciens clients de mon père. Le marquis de Foresta, et puis l'oxygéné Forêt, c'était des Français, et pour lequel qui étaient des clients de mon père. L'oxygéné, vous savez, se met encore souvent dans des bouteilles qui sont chromées, et qui protégeaient un peu ma mère, et le consulat français qui fait que moi, on m'avait mis dans... Ça fait un roman, excusez-moi, de dramatique... réaliste début du 19e siècle, on m'avait mis dans un hôpital à Castell de Fels, près de Barcelone, où il n'y avait que des enfants malades, où j'étais le seul enfant valide. Et alors là, pour Jean Charbonneau qui me parlait du jésuite, quand même, qui est cher à mon cœur, Baltasar Gracián, une anecdote. Tous les enfants étaient malades sauf moi. Moi, je passais mon temps sur la plage, Castel des Fels, c'était au bord de mer, c'est une station à tricoter, hein, balnéaire. Et je passais mon temps sur le sable, je ne savais pas écrire, je ne savais pas lire, j'étais tout petit, à dessiner ce que je croyais écrire. Hein, je pensais que j'écrivais et chantais, attendant que ma mère puisse venir me voir de Barcelone. Travailler sans arrêt. Et sans doute, il y a un jésuite espagnol, Fray Covadonga, qui m'avait indiqué les syllabes, les lettres, tout ça, ça veut dire ça. Et j'ai appris à lire avec ce rudiment qu'il m'a donné, puis après il est parti, puisque les jésuites ne restent pas dans le même lieu, ils ont des missions, on les enlève. Et un jour, lorsque soit les autres, parce que c'était un organisme religieux, un hôpital religieux, soit on a oublié que j'étais le valide, soit on a dit à ma mère, on ne voulait pas faire de la peine aux autres enfants parce qu'il était le seul à gambader, les autres avaient une maladie de dos, je ne sais pas comment on les appelle, maladie de poste. Et quand elle est arrivée, venir me voir, ben, j'avais perdu l'usage des jambes parce qu'on ne m'avait pas tiré du lit, je ne sais pas combien de temps, ça remonte à très très loin. Alors, je dis pas ce que ma mère, qui était vraiment croyante à sa façon, mais qui détestait les curés, je dis pas ce qu'elle a pu leur dire, parce que c'était vraiment un personnage très fort en gueule, une espèce de Don Quichotte féminin, je crois que ça connaîtrait très bien. J'oublierai jamais, m'emportant dans les bras, marchant très mal dans le sable. M'a ramené à Barcelone et bon, grâce à un peu d'argent qui lui restait de l'atelier, du taillère, bah, elle a investi pour qu'on me soigne, que je retrouve l'usage des jambes. Mais là, évidemment, comme on n'avait pas d'autres lieux, et puis j'oublie de dire aussi, c'est pour dire un climat de l'Espagne comme à cette époque, hein, c'est sûr que je croyais tout ça enterré, hein, et j'aurais voulu que ce soit enterré, que je n'y pense plus, mais bon. On ne triche pas avec un passé qui remonte à l'âge venant, c'est sûr que c'est des choses qui ne sont pas faciles à effacer, à enterrer, comme je le croyais un peu sottement. Et mes sœurs, elles avaient mis dans un couvent, on n'avait pas de maison, on n'avait plus de maison, avec une dot. Et elle est allée chercher mes sœurs, elle allait, parce que, bon, imaginez, une femme jeune, 28 ans, enfin un peu plus âgé là, puisque quelques temps avaient passé, cherchant à voir ses filles à Barcelone, moi j'étais loin, mais au moins ses filles, et les religieuses empêchaient de les voir. Alors, ma mère craignait que l'une, ma sœur aînée, qui est très sensible, qui est très mystique, qui a un personnage un peu lunaire, un peu poétique, elle dit bon, ils vont m'en faire une religieuse. Et l'autre, la plus jeune, qui pleurait sans arrêt, ma mère allait et on refusait de lui montrer mes sœurs. Alors ma mère avait, avec une paire de ciseaux, essayé de tuer une religieuse. Bon, elle avait échappé à l'huile de ricin, à la tonsure, et elle avait arraché mes deux sœurs de là-dedans. Et elle a demandé qu'on lui rende comme les lits, les dots, tout ça, elle a dit non. Lo que entra, pour ce qui est comme l'espagnol, lo que entra para el mundo, para Dios, no sale para el mundo. Ce qui entre chez Dieu ne ressort pas pour le monde. Bon, c'était la grande charité chrétienne, je dis espagnole, hein, parce que je dis espagnole. Je précise bien, ça n'a rien à voir avec le christianisme d'elle, du moins qu'il est moins dans l'évangile. Et alors là, ben, voilà, avec deux, trois enfants dans le dos, pas de maison, ben, ma mère travaillait de 12 heures, 14 heures, enfin, jusqu'à très tard. Et elle nous mettait au cinéma, j'ai une grande culture cinématographique, au cinéma permanent, qui commençait à 10 heures du matin parce qu'il faisait chaud, avec de quoi manger. Et vers 11 heures du soir, elle venait nous chercher. Imaginez, à l'époque franquiste, je vais avoir la tête farcie. Non, mais il me restait les films mexicains merveilleux de la Révolution, avec les chansons mexicaines que j'adorais. Et Fray Covadonga, qui était sûrement jésuite mexicain, hein, je ne sais pas, m'a laissé, parce qu'on m'appelait toujours le mexicano, parce que j'ai un petit accent quand je parle espagnol, notamment une difficulté, parce qu'en plus je m'étais blessé à la langue. Et on avait dû me la recoudre. Et on m'appelait le Mexicain parce que j'adorais ces films de héros. Alors bon, les évidence, le gros c'était moi, hein, la défendant la veuve et l'orpheline surtout. Hein, donc la veuve c'était ma mère. Donc il y a une espèce de quelque chose de télescopage enfantin assez. Oui, que je vois maintenant comme une constante sans doute de ma vie. Et ben voilà, et nous récupérer, alors avec ma petite sœur endormie dans les bras, moi qui tout petit qui dormais moitié, traînant ma sœur aînée qui la pauvre travaille dans des ateliers pour faisait coudre des boutons, elle avait pratiquement perdu la vue, et le grand remords de ma vie, c'est ça. Assommillé, traversant ce qui nous semblait traverser Barcelone pour aller dans un lieu où il n'y avait pas de lumière, pas d'électricité, où il y avait d'autres veuves, des enfants qui étaient là, pour dormir le soir, traînant ma sœur aînée qui ne voyait pas, qui avait comme, je ne sais pas, une atteinte, je ne sais pas, une conjonctivite, allez savoir à l'époque. Je l'ai fait heurter en la traînant, je l'ai fait la salive, comme le petit, la salive espagnole qui traîne l'aveugle, je l'ai fait heurter un réverbère. Et alors, avec du sang et tout, ça m'a marqué. Et ben, logé dans un lieu, c'est comme ça. Bon, c'est une espèce de vie, mais la mère, bon, l'espèce de ressource extraordinaire, c'est que on la faisait aussi, oui, parce qu'elle avait perdu son emploi, et on la faisait travailler dans de grands couvents, parce que les religieuses ne font pas le ménage. Alors, le grand couvent espagnol, avec du marbre tout par terre, dans les courants d'air à quatre pattes. Voilà. Et elle avait eu un coup de froid et une paralysie faciale. Alors, j'avais fait quelques traitements et on était parti pour Andorre pour soi-disant prendre les eaux. Les eaux, l'une des deux, on a passé la frontière clandestinement. À l'époque, elle était fermée puisque le régime de Franco n'était pas reconnu par les nations. Et bon, ben, on nous a arrêtés à la frontière. La police française nous a menés dans un camp de concentration qui restait encore. Hein. Il reste encore, ce lieu de mémoire, c'est Rivesaltes. Voilà, je pense au Vendôme, au Muscat, à Rivesaltes. Voilà, mais au départ c'était assez horrible parce que c'était des lits de camp avec des cordes, avec une couverture pour séparer les lits, tout ça. Et puis après, c'était bien parce qu'on l'avait mis dans un baraquement où il y en avait enfin une porte qui fermait à clé. Et une chambre pour nous tout seul, baraquement bois. Voilà. Moi, j'en garde de bons souvenirs parce que j'étais petit garçon. Et le train dans les camps, vous imaginez ce que ça peut représenter maintenant avec la mémoire, hein, les trains dans les camps. Donc, le train qui passait, qui était dans le camp. Passer dans le camp. Alors évidemment, moi, regarder une train qui passait sur une espèce de hauteur, vous savez, là, je ne sais pas comment on appelle, sur un chemin de fer hein, qui était quelques mètres plus haut, bon, il y avait ce camp. Comment ? Oui, Ramblais, bien sûr, hein, le mot ne me venait pas. Moi, j'en garde un souvenir, j'en gardais un souvenir, petit garçon qui voyait passer un train, c'était formidable. Et puis, il y a quelques années, en allant faire une conférence à l'université de Perpignan, où il y avait eu une grève de train, j'étais arrivé en retard, on m'avait attendu pour le repas. Et il y a des archives à l'université de Perpignan sur les migrations espagnoles. Alors, il dit, il y a quelqu'un qui t'attendait parce qu'il a trouvé quelques lettres de Maria Zambrano, qui était une philosophe espagnole républicaine, qui s'était exilée, qui était à Cuba, et qui parlait de Benito Pellegrini, le petit, parce que mon père était tout petit, c'est pas guère grand, mais après il était plus petit, de Barcelone, d'ailleurs on l'appelait le Rojillo, le petit rouge, hein, qui parle de ton père. Et alors, on a parlé, j'ai parlé de Rivesaltes, tu veux qu'on t'amène, tout ça. J'ai eu une espèce de retrait, je dis non. Je dirais, je viendrai avec ma sœur aînée. Et puis en arrivant, je dis, ah, tu sais, on veut m'amener à Rivesaltes, c'est un camp de mémoire, tout un lieu de mémoire. Si tu veux, on y va. Et ma sœur, qui est très discrète, ma sœur aînée, c'est pas quelqu'un, s'est mise à pleurer. Alors, c'est sûr qu'elle m'a raconté, alors là, la vision qu'elle avait du camp, ces couvertures qui séparaient les lits, en fait, tout ce qui pouvait se passer, là, elle était quand même adolescente, et qu'elle avait une autre vision. On n'en a plus reparlé, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, alors nous sommes arrivés à Marseille parce que ma mère avait sa sœur, ici, une sœur. Sa sœur et sœur, l'autre était morte. Et nous avons abouti dans les quartiers nord, à Marseille, à Saint-Louis. Je dis le quartier nord, j'appelais ce livre Marseille car nord parce que c'est devenu le quart monde, il faut bien reconnaître, hein, à beaucoup d'égards. Et c'était l'après-guerre. Donc. Alors, il y a quelques années, puisque M. Charbonnier, Jean Charbonnier, j'ai du mal à dire monsieur ici, excusez-moi, je suis plutôt un tutoyeur. Voilà. Mais comme il m'a dit, vous, très solennel, je ne sais pas. Je sais pas. Mais je lui lance ça parce que quand on lit mes essais, traductions sur Galassian, qui ont eu des prix, tout ça, sont sortis, on en a parlé partout, le monde, Libération, la télévision, Philippe Solers avait fait 3 pages d'un Nouvel Observateur, des jeunes du Ravi, journal, vous savez, alternatif de Marseille, ont pris contact avec moi, et moi qui avais travaillé dans des tas de journaux, enfin des tas de journaux, le Provençal essentiellement, et la Marseillaise ensuite, et des revues, ici, je ne connaissais pas leur avis. Ils ont voulu me faire une interview. Alors, ils m'ont parlé qui j'étais, c'est pas mal la même génération, d'où je venais. J'ai dit, voilà, ben, je viens, je suis au produit des quartiers nord, tout ça. Ils n'en revenaient pas. Alors, ils me disent, vous voulez? Et puis après, ils me disent, tu veux collaborer au journal? Je fais, oui, avec plaisir. Je collaborerai dans le journal. Que voulez-vous que je fasse? La chronique musicale, littéraire, tout ça, parce que c'est un article politique, mais dans la Provençal, tout ça, j'ai dit, j'en avais marre, hein, j'en avais marre. Il dit, ah non, non, non, raconte-nous tes souvenirs des quartiers nord. Je vous avoue que j'ai beau. Je dis, non, c'est pas possible ça. Parce que, je vous dis, je croyais enterré, totalement enterré, cette espèce de naïveté qu'on a envers soi-même. Hein. Je dis, non, ça, non, c'est pas possible. Il me dit, si, ce serait bien, parce qu'on a oublié ce que tu nous as raconté. J'avais raconté, les souvenirs revenaient un peu d'un ton plutôt goguenard, humoristique, tout ça. C'est pas que le quart monde, les quartiers nord, voilà. On dit non, c'est très intéressant, on connaît pas. Alors j'ai commencé à faire ces chroniques, avec beaucoup de mal, et ils m'ont dit, ah non, écoute, engage-toi, dis je commençais de façon neutre, je dis pas à troisième personne, de façon directe, non, dis je parle de toi. Et j'ai commencé, et ça plaisait. Alors j'ai continué, j'ai quelques extraits ici, vous voyez. Je sais pas, dommage, je n'ai pas porté en couleur. J'appelais ça Marseille Carnot. Et c'est pas commencé à paraître à leur avis. Et il y a eu un dessinateur très talentueux de Bruxelles qui illustrait. Ça, il envoyait ses dessins de Bruxelles. Et je faisais donc une chronique chaque mois, qui avait un rapport avec l'actualité du mois. C'est pour ça qu'il y a 3 fois, puisque ça a duré 3 ans. Il y avait 3 fois les élections, la Noël, les fêtes de Noël, tout ça. Et voilà, même là, mon fils, il navigue, c'est de ça beaucoup plus. Alors que c'était un rapport, parce qu'on venait de créer à Marseille, Marius et Fanny, l'opéra d'après Pagnol. Et mon fils navigue, c'est une idée, en fait, tous les navigateurs, enfin là, c'était des gens qui naviguaient, mais qui étaient à l'ombre de Baumette, quoi. Voilà, il y a un très beau dessin, malheureusement, sur le 11 novembre, les défilés que je connais à l'époque, où il y avait des gens qui avaient encore le costume des camps. Et bon, ben, lui, évidemment, je ne sais pas, il me représente comme ça, avec évidemment les républicains espagnols ici, il a fait le drapeau, c'est vraiment très talentueux. Et parce qu'il faut dire que je résistais tellement, je ne pouvais pas, c'était trop dur. Alors que j'ai écrit des textes érotiques qui ne me dérangent pas du tout. Personnel, autobiographique, hein, que j'ai publié, mais avec la distance du style de l'humour, ça ne me dérange pas. Mais ça, parler de mon enfance et de ce que ça représentait, j'ai eu du mal. Alors j'ai inventé des personnages au fur et à mesure comiques. Des personnages qui représentaient quand même des idées, pas simplement des symboles un peu plaqués comme ça. Une militante communiste, j'en ai connu des tas, hein, à l'époque, imaginez les années 50, dans les quartiers nord, qui était quand même le haut lieu de gauche de la France et de Marseille, de la France, hein, parce qu'on m'a invité, oui, de la France, on m'a invité dans les quartiers nord, au lycée nord, j'ai eu une de mes anciennes étudiantes qui anime des débats, des conférences avec une association sur la mémoire ouvrière des quartiers nord, donc même à l'église de Saint-Louis, on m'a invité, parce qu'ils veulent faire un lieu de mémoire ouvrière, alors quand le livre est sorti, on m'a invité. Il y a énormément, je l'ignorais, d'associations très militantes. et qui connaissent, qui sont allés fouiller les archives essentiellement communistes. Moi, je voudrais donner notre part, mais enfin. Excusez-moi, comme j'ai l'habitude de faire des conférences partout, dans tant d'endroits, mais j'ai pas voulu. J'ai voulu faire un truc une espèce de causerie, et si vous avez vous intervenez quand il vous plaît d'intervenir, hein, ça me permet peut-être d'éclairer mon propos. Et je suis représenté donc de symboliser de façon amusante des tendances politiques que j'ai connues, dont j'ai la tante Yvonne, mademoiselle Yvonne, qui est la vieille militante communiste, forte en gueule, très forte en gueule. Le coiffeur. Qui est une fresque particulièrement de réalisme socialiste, des ouvriers qui montaient vers la lumière, et qu'un curé voulait absolument détruire parce qu'elle faisait trop communiste, parce que c'était le haut lieu des prêtres ouvriers. On oublie ça aussi, hein, extraordinaire quand même, hein. Et il y avait un curé qui voulait les détruire, un peu curé intégriste, et j'ai participé à une association pour sauver les fresques, qui sont sauvées, parce que voilà, c'est la mémoire ouvrière, parce qu'il y avait des tas de journaux, non seulement communistes, mais de la JOC, des jeunesses ouvrières catholiques. C'est impressionnant ce qu'il y avait comme activité militante, autant des gens politisés de gauche, essentiellement là les communistes, dans celui-là, que des catholiques de gauche, hein, qui ont fait des choses extraordinaires. Hein. Et je raconte que le curé, quand il avait fait très froid, dans les années 50, les hivers terribles, le curé avait décroché les rideaux qui étaient rouges, en velours, pour habiller les enfants qui étaient habillés en rouge. Des petits bolcheviques, qu'on disait les gens. Et alors, ce personnage aussi, bon, c'est inspiré de gens que j'ai connus, hein, il y en a un, pas plus, voilà, que... un commerçant qui n'est pas très lointain d'ici, un peu, qui a toujours des discours un peu radicaux, mais très drôle, puisque moi qui suis un peu combatif sur certains domaines politiques, lui, jamais je l'ai repris, parce qu'il me faisait rire, parce que je trouvais tellement excessif, tellement dans ce truc. Il y avait aussi, mais ça j'ai connu, mais enfin, des personnages comme ça, une nonne défroquée, qui avait été ambulancière en Afrique, et mariée avec un séminariste, ex-séminariste bègue, qu'elle persécute, et très autoritaire, qui chaque fois, voilà, elle combat évidemment la communiste, et là c'est son mari bègue avec des myopes, voilà, qui à cause d'être des communistes, des affiches communistes, il avait très bien capté Yacine. Hein, évidemment, elle est toujours militante, toujours déléguée de ceci, déléguée de cela, déléguée d'un syndicat. Voilà, elles sont en train de s'écharper devant le cimetière de Saint-Louis parce que quand il y avait des enterrements, les communistes n'entraient pas, ou les gens de gauche, alors que bon, bah, on n'est pas obligé de croire pour entrer dans une église et accompagner quelqu'un dont le vœu était de se faire à enterrer religieusement. Alors elle dit, je vais pas, la tante Yvonne, et l'autre dit, mais enfin, vous voyez Aragon, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ce poème, tout ça, enfin voilà. Alors des batailles, aussi les batailles des chorales, là, c'est très bien le dessin, merveilleux en couleur, parce qu'il y a l'arbre de Noël, et il y avait les chorales, évidemment, communistes, et la chorale de la catholique, avec, là, il y a mis des fossiles. Fossile et le marteau. Là, elles se battent. L'une avait la faucille et le marteau, et l'autre avait la croix qui est une épée, quoi. Et très drôle. Et puis il y avait toutes les fêtes populaires, ou alors quand il y avait quand même des choses très graves, ben, les communistes, les gens de gauche et les catholiques se réunissaient en faisant des lotos de solidarité avec les grandes. Tu vas te rappeler, toi, l'inondation terrible de Hollande, les digues qui avaient sauté avec des milliers de morts, hein. Bon, je me rappelle, les quêtes, les marchands de solidarité qui se faisaient, c'était l'époque aussi, les grèves aussi des transports, parce qu'il y avait eu les grèves insurrectionnelles de Marseille, hein. Il y avait des transports, et j'évoque tout ça à travers ces personnages, parce que moi je ne pouvais plus continuer, voilà mon coiffeur qui est là, je ne pouvais plus continuer sur le ton, ça me blesse. j'avais beaucoup de mal de tout ce passé qui remontait. Hein. Oui, mais non, vas-y. Il y a toute cette dimension un peu, bon, on va dire, une opposition à la pétrole. Oui, je me suis aperçu après. Il y avait aussi des anarchistes dans le quartier nord, hein, justement à l'époque que vous signalez, et je voulais savoir si vous les aviez connus, sont des personnes disparues aujourd'hui. Je vais vous donner des noms. Alors c'est monsieur la famille Ribas, la famille Peña et la famille Yalsa. Ils étaient avec vous pendant ce temps-là, dans ce quartier. Puisque non, je ne suis pas connu. Je faisais des victimes en même temps, certainement en même temps. Non. Au cinéma. Au cinéma de Saint-Louis. Oui, voilà. Ah ben oui, mais j'ai une scène là-dedans dont je me rappelle, mais j'étais quand même pas très, j'étais petit. Je me rappelle parce que il y avait en gros, c'était les communistes qui voulaient mener les débats. Il y avait tous les films. Parce qu'on allait les seules distractions qu'il y avait, ben, c'était le cinéma de Saint-Louis. L'Alhambra aussi. Je parle de l'Alhambra Lestac. Casino Cinéma. Le Casino Cinéma, c'était sur la montée de la Viste. Évidemment, on y allait le dimanche. Oui, fallait monter et descendre, hein, ce petit truc. Voilà. Et il y avait des débats. Et là, je dans le livre, je raconte. Voilà. Mais moi, je ne les connaissais pas. Moi, j'étais petite. Moi, j'ai grandi dans Non, non, je t'en prie. Non, ça se rejoignait. Non, oui. C'est moi qui ai invité à. Non. Les activités d'André et des autres. Donc, en regardant dans les caractères, c'est pas facile d'ailleurs, et en retrouvant des traces très anciennes. Non. Il faudrait les récupérer. Non, non, mais il y a une scène que je montre, que j'ai vécue, entre autres, hein, parce que ma mère était très, très, très combative. Hein. Si j'arrêterai, je vous lirai des extraits, parce qu'il y avait des débats. Alors, les communistes, évidemment, c'était eux, ils étaient toujours des communistes espagnols, la guerre d'Espagne, ceci, voilà. D'abord, je vous dis pourquoi je n'ai pas pu connaître ces gens-là, parce qu'on était très isolés, d'une part, très isolés, très marginalisés, et ma mère avait un mépris souverain pour les Espagnols, qui d'après elle avaient fui. Elle dit non, les pèlerins, voilà, et là, quand même, elle avait une espèce de génie de flair par rapport à moi, hein, qui était le fils, qui était le père, Benito Pellegrin. Hein, j'étais vraiment dressé en petit tyranno domestique. Hein. Non, c'est patriarche, hein, c'est lourd à porter, je m'en aperçois maintenant. Sans doute. Et ma mère disait, tous ces gens-là qui sont partis et qui disaient du mal de l'Espagne. C'est pas ça, l'Espagne de votre père. Voilà, il faut aller sur l'Espagne de votre père à ça. Donc c'est extraordinaire. Et elle dit, es gentusa refugiados. Et elle est très. Bon, ces gens-là qui sont des réfugiés. Mais vous, toi, tu es mon fils, tu n'es pas réfugié. Moi, je suis française, on est venu ici. Bon, je ne dis pas chez nous comment on a été traité, les papiers, tout ça, c'était diabolique. Mais on est, je suis chez moi et je suis venu ici. Donc, tu n'as pas fui. On s'est exilé volontairement, on n'est pas des réfugiés. Les pèlerins ne fuient pas. Voilà, ton père, pour lequel on a perdu la guerre, et ben, pour ça, je reste. Voilà. Alors, ma mère, c'était ça. Elle a quand même cultivé cela, cette différence. Elle ne voulait pas qu'on fréquente ces Espagnols. Elle dit, ils n'ont aucune conscience politique. Ma mère, qui n'était pas quelqu'un de très politique, elle transmettait un message. Hein, c'est quelqu'un d'instinctif. Oui, mais c'était pas tous comme ça. Hein. Certains étaient partis, c'était aussi parce qu'après, lorsqu'il y a eu l'ouverture touristique de Franco, tout cela, beaucoup de ces gens sont retournés, ils avaient des terres, des machins qu'ils ont retrouvés, qui ont été lotis, alors que nous, on avait tout perdu, on était des citadins, c'était... Oui, bien sûr, mais je dis le discours de ma mère, qui était un discours, un personnage excessif, mais qui avait une espèce de ligne, qui est radicale et qui n'était pas... ma mère était tout sauf dans la nuance. Hein. Il y avait ce qui était bien, ce qui était mal. Il y avait les idiots, los tontos, les feignants, et les gens intellistes, intelligents et travailleurs et honnêtes. Voilà, il y avait, c'est comme ça. Hein. Mais imaginez une femme veuve avec trois enfants, travaillant dans les usines, et se prenant de sympathie pour les parce qu'elle découvrait les curés, les prêtres ouvriers. Elle travaillait dans l'usine avec les prêtres ouvriers, elle disait, c'est pas croyable. Hein. Voilà. Alors, on allait à l'église de Saint-Louis, ma mère disait, elle disait, mais on sait jamais. Allons-y à l'église. Et à la maison du peuple, où il y avait des films, il y avait des animations. Et ma mère se disputait tout le temps avec les communistes. Et là, il y a la scène au cinéma, je ne sais plus où elle est, de Saint-Louis, je ne sais plus où elle est cette scène, parce qu'il y avait un communiste qui parlait de l'Espagne, cela. Alors ma mère ne sait pas parler, boustère, menteur, imposteur. Alors elle va s'éveiller, madame parle espagnol, français, ma mère passe d'une langue à l'autre, l'autre ne savait plus quelle langue tenir, de rire son micro fixe. Hein. Madame, je ne sais pas, menteur, vous nous avez trahi, vous nous avez poignardé dans le dos, vous avez reçu avec l'or de la Banque d'Espagne, vous avez donné les armes aux communistes qui nous ont poignardé dans le dos. Mon père était comme à Teruel. Non, ma mère savait tout ça, le front d'Aragon. Ben, lorsqu'il y a eu l'affaire, certains rappels de la téléphonique à Barcelone, une guerre civile. Hein? Les journées de mai 35. Voilà, la guerre civile, et les communistes armés contre les anarchistes qui étaient armés de n'importe comment, ça c'est quand même, c'est l'histoire qui est là. Ma mère ne sait pas parler, c'était quelqu'un d'extraordinaire, hein, donc je sais pas où je l'ai mis, mais enfin c'est par là, hein, et c'était très drôle et terrible, parce que ma soeur aînée et moi, ma petite soeur accrochait à ma mère en pleurant, parce que ma mère rien ne la retenait, mais ma soeur et moi aînée, on avait honte, parce que ma mère intervenait de façon violente, hein, assassin, les communistes, alors elle, ma mère qui détestait les communistes, mais on allait à la maison du peuple, voilà, parce qu'il y avait des films, des lotos, des... L'animation. Les rapports entre anarchistes et communistes espagnols, ça pouvait être violent, c'était juste en parole. Il y avait quand même des affrontements plus physiques. Et la position avec les immigrés italiens, ça. Ben, ma mère. Ma mère, pour ma mère. Et c'est hélas, pour qui a été terrible pour mon beau-père, qui a été comme un fils pour elle, et s'est occupé plus de ma mère que je n'ai pu le faire moi, parce qu'il était retraité très jeune, tout ça. Italien, ma mère et les Italiens, c'est tous des fascistes. Mussolini nous ont bombardés. Et en plus. Ah, bah attends, bon, là je reviens, il met les deux. Le doigt là où ça me fait plus mal, mais où ça fait toujours bondir. Hein. Je t'explique. Non, mais j'en parle là parce que ça a été j'ai lu l'extrait avec l'un des drames de ma vie. Commissariat. Oui. Il a raconté. Bah oui, mais. J'ai tellement raconté cette histoire-là parce que quand on me sort ça, moi, fils d'un. Non, tout le monde ne connaît pas. Au commissariat, il fallait avoir des papiers. Hein? À qui le dit? Attends, je vais raconter sur les papiers. Hein? Sur les papiers. Et c'est, y a une association qui a fait un travail sur le livre auprès de jeunes des quartiers, de la Busserine, hein, des petits collégiens, avec un comédien qui lisait des passages. Puis après, avec des jeunes adultes primo-arrivants. Il aura lu les passages sur les papiers. Ça a été comme une espèce de traînée entre eux, tout ça. Tout le monde a vécu ça. Oui, je vous raconte. Ça semble comique ici. Papier, il fallait avoir des papiers. Je vais au commissariat. Et, bon, d'abord, je raconte d'abord le commissariat. Je reviens un peu en arrière. Non, parce que un maître, moi qui ai une vénération pour les maîtres, on ne disait pas les instituteurs, on ne disait pas les profs d'école, parce que bah, c'était je dois tout, je le dis, je le proclame, je dis sur toutes les télévisions, je suis un produit de l'école de la République française, dans ce qu'elle a eu de mieux. enfin, je ne dis pas de mieux moi, mais de mieux l'école. Hein. Certains savent ce que ça a pu être cette école qui donnait un savoir, au moins un SMIC, on aurait dit un SMIC culturel, savoir lire, savoir compter et savoir écrire, ce qui n'est pas rien. Et le certificat d'études, à l'époque, vous le savez tous, moi je l'ai, on l'encadrait dans la cuisine, on n'avait pas le salon, on n'avait pas la salle à manger, enfin bien, ça n'était pas rien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je garde un souvenir merveilleux de tous ces maîtres, hein, sauf un. Imaginez, quand vous êtes petit, on fait remplir un papier, moi j'avais appris à écrire tout seul, puisque je n'avais pas été à l'école. Après quelques éclipses, parce qu'un oncle m'avait pris chez lui à Barcelone, mais pratiquement quelques mois, c'est tout. J'avais appris à lire tout seul et j'avais appris, je n'avais pas fait les bâtons, je n'ai pas fait la maternelle. Quand je suis arrivé ici, on m'a mis dans la classe qui correspondait à mon âge, à l'époque, hein, à Saint-Louis. Et donc j'ai tout appris, le français, mais j'étais émerveillé par cette langue, tout ça. Et je vois que, comme ma mère parlait, je m'aperçois maintenant, je vois en disant que c'était aussi comme une langue maternelle, pratiquement. Et je n'ai pas appris à faire des bâtons, à bien écrire. Donc j'écrivais mal et j'apporte au bureau, puisqu'il fallait faire la queue pour apporter une fiche, voilà. Et Pellegrin, le maître, le seul, je vous dis, hein, c'est, quand je me suis rappelé ça, ça me fait encore quelque chose, il barre d'un trait rouge et me met deux ailes, en disant à haute voix, et ça ne sait même pas écrire son nom. C'est pas des choses qui vous quittent. Hein. Ah non, je suis gagné par l'émotion, par un truc comme ça encore. Hein. Voilà, c'est ce travail de mémoire que m'a fait faire. Je ne voulais pas faire ces sudivers, c'est André Bonmort qui m'a dit, non, si, il dit, Benito, faites-moi un livre. À l'époque, il me disait, vous, si j'ai non, je ne peux pas. Et puis j'en ai fait un livre, hein. Je gardais que juste quelques chroniques telles quelles pour qu'on voit un peu l'origine. Alors, Pellegrin avec deux L, il m'écrit, j'ai eu tellement honte et de peur de m'exposer à ça. J'ai écrit moi-même Pellegrin avec deux L, avec un sentiment de trahison envers mon père, que ma mère m'avait élevé, éduqué dans la vénération de mon père, qui était intelligent, qui était honnête travailleur, qui défendait une cause qui était noble. On parlait de noblesse d'une cause. Sentiment de trahison de maître de zèle pour ne pas m'entendre dire ça. Et comme je réussissais, je reviens à l'histoire du nom parce que ça m'a poursuivi toute ma vie. Hein. Comme je réussissais, on me faisait passer de classe en classe. Sans me demander mon avis, je ne savais pas ce que c'était. Hein. D'ailleurs, j'avais eu, très vite, j'avais eu le prix de français de la ville de Marseille. Et j'avais encore l'accent espagnol. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? Des parents sont venus protester qu'un espagnol est le prix de langue française. Et on est venu jeter des pierres pour casser les vitres de la maison. Ou d'autres disaient, Pellegrin, ça n'avait pas c'était avec un L ou deux, mais on m'avait écrit avec deux L, Pellegrin, c'est pas vrai, c'est pas un français. Alors, j'en reviens au commissariat, le nom, hein, moi c'est mon seul héritage, à part ce que m'a transmis la mère de mon père, c'est ce nom qui était le nom de mon père. Et le nom de Benito venait, dit-on, depuis. Tu es assis, ça va. Depuis le 15e siècle, de l'antipape Benito XIII, Benoît, vous vous rendez compte qu'il y a un pape en plus maintenant qui s'appelle Benoît, c'est une malédiction, oui, en italien c'est Benedetto. Ouais. Et qui était Avignon. Et qui a vécu aussi 104 ans, ça conserve, et qui avait été déclaré antipape par le concile de Constance. Alors qu'en fait, c'était le seul qui a été élu dans le rite de Saint-Pierre, et normalement, c'est ceux qui sont là qui sont des imposteurs, hein, selon... Ben oui, mais attends, mais c'est pas une histoire, hein, on me l'a raconté après, j'ai découvert qu'il y a le pape de l'ombre qui, on continue à élire bon, selon le vrai rite de Benoît XIII, qui est parti d'Avignon parce qu'il avait perdu la guerre, il faisait la guerre, et il s'est retiré en Espagne, près de Peñíscola, il y a le château du Papa Luna, c'est le Papa Luna, voilà. Alors, les pèlerins étaient partisans, il y a des chroniques, mon ex-femme qui était médiévaliste avait retrouvé aussi des signes pèlerins qui s'étaient massacrés dans les guerres d'Aragon. Si vous connaissez l'opéra El Trovador, c'est les guerres d'Aragon, et bien ils étaient partisans de l'antipape et partisans des Lunas. Les pèlerins, les frères pèlerins qui furent massacrés. Bon, il y a eu quelques survivants, oui. Des Lunas. Luna. Luna, le Papa Luna, on l'appelle. Ben, la Lune, mais c'est un nom de famille. Hein. C'est une grande famille espagnole et le pape était de cette famille, de ce clan, puisqu'ils s'entretuaient. Voilà, voilà, il y a eu trois papes. Bon, alors, ce prénom, et en plus, il a été interdit parce que c'était l'antipape. Hein. Le prénom n'est ressorti. Oui, c'était au début du XVe siècle qu'il est mort. Et le prénom Benito n'y était... Comment ? Benito Sereno. Benito Sereno, oui, ça c'est un beau roman de Melville. Le prénom n'a été autorisé par l'Église qu'il y a eu Benoît XIV au XVIe siècle. Et puis après, il y a eu encore des problèmes. Et jusqu'au XVIIIe siècle, pratiquement, il y a un autre Benoît XIV, celui-ci, je ne sais pas, 16. C'est 16. Bon. Bon. 16. Eh bien, voilà, ils ont quand même conservé par tradition ce prénom. Donc c'est une famille un peu, quand même, un peu originale, disons, ou comme on voudra, ou dissidente, si on veut un peu grandir ce fait-là. Alors, Benito Pellegrini, c'était mon nom. Et moi, quand ma mère nous amenait au cimetière, je voyais Benito Pellegrini, sur la dalle, me disait, je ne savais pas lire, hein, Benito Pellegrini. Alors moi, c'est la vénération de l'écrit que j'ai toujours eue, mais je suis considéré que Benito Pellegrini, le vrai, c'était le mort, et qu'il était plus vrai que moi vivant. C'était quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Et donc, au commissariat de police, alors, comment tu t'appelles? Benito Pellegrin, la française. Benito, c'est quoi ça? Aîné, fatalité en 1940. Voilà. Alors, le commissaire qui me dit, ah, il devait l'admirer, ton père, il devait l'admirer. Alors, imaginez, moi, mon père anarchiste, hein, Mussolini, hein, toutes les blagues qu'on racontait sur les fascistes italiens en Espagne, la bataille de Guadalajara, ma mère racontait tout le temps, Mussolini regardant ces soldats armés, de beaux uniformes, des armes flambant neufs et fuyant à Guadalajara contre les anarchistes, hein, la première bataille de Guadalajara, où ils ont perdu, elle regardant avec les jumelles, disant « Ah, fugino, fugino, comme leoni, il fuit comme des lions !» Ma mère racontait tout ça, ma mère détestait donc, les Italiens, et comme lisait beaucoup aussi, c'était Machiavel, c'était les Borgia, alors que Borgia, c'était quand même des Espagnols, hein. Borgia, c'était des Valenciens, Borgia, bien sûr, bon. Alors, dans le commissaire, que c'est Benito, je dis, c'est... voilà. Non, moi, ma mère m'avait appris, non, c'est le nom de mon père, c'est en italien, c'est Benedetto. Là aussi, ma mère disait, non, c'est pas italien, c'est Benedetto. Je disais, Mussolini, à l'époque, dans les quartiers noirs, les gens, il y avait beaucoup d'Italiens, ils pensaient à Mussolini et tout ça. Alors, ma mère, tous les Italiens, c'était des fascistes dissimulés qui étaient là. Vous voyez toujours ça. Non, c'est en italien, c'est Benedetto. Et s'il y a quelques Benito, c'est parce que, ça, quand même, c'est tout le monde, c'est l'histoire, c'est que les parents de Benito Mussolini aient admiré Benito Juárez, le révolutionnaire mexicain, à la fin du 19e siècle, ils ont appelé leur fils Benito pour cela. Et ensuite, lui, quand il a eu le pouvoir, il donnait des primes aux parents qui baptisaient leurs enfants mal Benito. Et puis, ce qu'on oublie aussi quand même, mais l'histoire est là, l'Italie a été pendant plusieurs siècles, trois quarts, espagnole. Hein? Ça n'est qu'en 1718 qu'elle a perdu Milan, qu'elle a perdu le royaume de Naples qui est arrivé la Sicile, qui est arrivé jusqu'aux portes de Rome. Hein? Et d'autres États, Florence, c'était des satellites espagnols. Et il y avait des Benito parce qu'il y avait des Espagnols. Voilà, alors moi j'ai cette malédiction Benito. Alors le commissaire, elle fait, voilà, je dis, non, c'est Benedetto, elle commence à se moquer de moi, tout ça, j'étais petit, et je commence à lui sortir tout ce que me dit ma mère, voilà, nous, l'Espagne, c'est l'Empire, hein, partout où Charles Quint est passé, tu es chez toi, mon fils, c'est comme ça, très héroïque, très, très grandiose. Et il me dit, tu n'as pas un petit nom? Ben oui, ça c'est l'histoire. Le diminutif, tu n'as pas un autre prénom? Non, je n'en ai pas, n'a que Benito. Alors on me dit un diminutif, Benitito diminue en Tito. Donc, alors imaginez plus, c'est pas possible. Ma, quelle fatalité! Tito, et oui, même ma soeur plus jeune, je dis toujours ma jeune soeur, elle a 2 ans de moins que moi, hein, que tu connais, celle qui chante, là, et m'appelle souvent Tito. Tu vois, alors bon, ben voilà. Alors il me dit, bon, je mets Benoît. Alors, c'était l'humiliation. C'était l'humiliation. Benoît Pellegrin. Benoît Pellegrin. Mais attendez, je discutais avec Jean Parlet. Mais le nom, je n'ai pas fini avec le nom, parce que ça m'a poursuivi, ça a été la ligne directrice de ma vie. Alors j'en étais que je passais de classe en classe sans savoir où j'allais. Et quand on arrive à l'époque dans le quartier nord à Saint-Louis, il y avait les cours complémentaires pour les fils d'ouvriers, cours complémentaires, il n'y avait pas de lycée. Hein? Et moi j'étais le seul, on m'envoie en ville, dans un lycée, je ne savais pas ce que c'était. Le collège Pierre-Puch, je ne savais pas ce que c'était. On n'allait pas en ville, hein, pratiquement. On allait pratiquement pas. Hein. C'était de monde. Hein. J'en parle dans le livre. Hein, c'est... Et je suis allé pour récupérer, réécrire mon nom avec un seul L, en changeant, comme si je repartais à zéro. Parce que les enfants d'ouvriers, ben, ils passaient les concours des postes, quand ils avaient le BEPC, tout ça, ils passaient des concours. C'est tout, c'était comme ça. On va voir au collège Puget. Là, évidemment, j'avais toujours Benoît. Et c'était un collège où on faisait du moderne, c'est-à-dire pas que de l'anglais, puisque j'avais appris que l'anglais, pas de grec, pas de latin, pas d'allemand, des sciences. Et moi, j'étais passionné par la philosophie et j'écrivais tout le temps, j'écrivais des poèmes, j'ai toujours écrit. Et je suis allé directement faire ma révolution, je suis allé au lycée Perrier. Et voilà, j'ai récupéré, non pas sur les papiers officiels, hein, j'ai récupéré mon nom sur ce que j'écrivais. Voilà, donc j'ai fait philo après. Et en 2000, j'avais été invité par un chorégraphe, le grand chorégraphe José Montalvo, qui dirige Chaillot, et il voulait, parce qu'il s'était intéressé à mes livres sur le baroque, il avait beaucoup travaillé là-dessus, il me dit, écoute, on va à New York, on voudrait que tu fasses un livre sur nous, on t'invite. Je dis, c'est sympa, c'est bien, comme je l'aime beaucoup, lui et sa compagne, qui est chorégraphe, Dominique Hervieux, je vais refaire, par anticipation, c'était pas périmé, mes papiers. Je vais là, la mairie de secteur ici. Je tremblais toujours, hein, parce que je vois les histoires de papier, les problèmes qu'il y a eu. Je vais en tremblant, donc j'avais 60 ans. Je vais en tremblant, mes papiers. Alors, papier, militaire, signé, la caserne du Muy, ici, ça ne s'invente pas, le colonel Napoléon. Papier militaire, même si j'avais été réformé parce que je m'étais blessé à la colonne vertébrale. Mais j'avais papier militaire en règle. J'étais fonctionnaire de l'État français à l'époque, il n'y avait que des Français, c'est pas même un Européen, ne pouvait pas. J'ai de l'université, il n'y a que les Français. Docteur d'État, rien que ça, et élu du suffrage universel, puisque j'avais été élu à Gardanne. Voilà. J'ai dit, bon, oui, là, il faut retrouver un peu l'espèce de militantisme de mon père. Voilà, on m'avait dit, écoute, va aider, c'est des ouvriers, tout ça, ils ont besoin de quelqu'un qui les structure un peu. Oui, oui, oui. Mais mairie d'Union. Là aussi, je me suis battu avec les communistes, hein, mais pour lesquels je gardais une certaine estime, parce que, ouais, ils croyaient à un tas de choses, et ma foi, des gens qui croient à des choses auxquelles on peut, même avec certaines réserves, adhérer, c'est quand même pas mal. Et on me dit, c'est pas possible, vous n'avez pas de certificat de nationalité. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai regardé mon passeport. Ma carte d'identité. Alors j'ai vécu clandestinement tout ce temps-là. Ah, j'étais effondré. J'étais effondré. Je disais, mais c'est pas possible. Ça nous a poursuivi. Ça nous a poursuivi. Ma mère, les papiers. Ma mère s'appelait Ángeles, María de los Ángeles. María de los Ángeles. Calvo Paredes de Pellegrin, le nom de Dieu Marie. Alors, quand ma mère, tout en étant française, mais née à Oran, les archives avaient brûlé en 1963, vous vous rappelez, hein? Alors, le malheur en France, le malheur d'être né à l'étranger, avec les papiers à Nantes, qu'il fallait attendre qu'ils n'arrivaient pas, Et ma mère, alors parfois, le secrétaire social en attente, Madame Pellegrin, c'est moi. Madame Paredes, je l'avais mis plusieurs fois, elle avait mis à Paredes, à Calvo, et à Pellegrin, c'est toujours vous, madame. Toujours des papiers, les problèmes. Calvo, parfois on la mettait Carbo. Carbo, parce que celui qui l'avait à Oran lorsqu'elle est née, elle avait l'accent d'Alou, on prononce le L comme un R. Alors Calvo, c'est Carbo. Oui, c'est Carbo. Oui, comme. Carbo como el que no tiene pelo. Carbo como el que no tiene pelo en la cabeza. Carbo. Donc, imaginez. Alors, c'était la terreur. La terreur. Et c'est pas fini. On a refusé de me faire les papiers. J'ai dit. Alors, je suis allé directement à l'endroit puisque je devais partir en voyage. Je ne suis pas parti finalement, parce que c'était trop tard, ils étaient partis. On peut vous faire un passeport si vous avez un justificatif compréhensif. À la rue de Boulevard des Dames. Et je dis voilà, et j'avais reçu le papier de l'extrait d'acte de naissance traduit par un traducteur juré et conservé à Nantes de mon père. Mais ça, c'est pas fini, je vais vous raconter une bonne aussi. Et j'ai dit, je veux qu'on rectifie mon prénom. Benoît, ça me dérange pas, ça me dérange pas parce que. Moi je dis, hein, je traduis, je suis à cheval sur diverses cultures et bon, les frontières, je vous disais, c'est voilà, mais ça fait rien. C'est très important c'est, de trouver son identité. Voilà. Et ils m'ont corrigé. Bien, je vous avoue, ma mère qui m'interdisait de pleurer, au nom de macho, non devait pleurer. Le nom de macho, c'est un tango de Verbel, n'a pas pleuré. M'interdisait. Je pleurais pas. Ou alors en cachette de ma mère. Hein. C'est m'arrivait des trucs, je racontais jamais à ma mère qu'à l'école, on avait essayé de me ceci, cela, je me bagarrais sans arrêt. Hein. J'étais blond, oui, ça semble difficile à croire, j'étais très frisé, et ma mère tenait.